Yeah. Une hardcore réalité. One change. Et ça déborde de vérité. One change. Certains adorent le vérifier. One change. Puis vient la mort, on est d'accord, c'est mieux la paix. Okay. Une hardcore réalité. One change. Et ça déborde de vérité. One change. Certains adorent le vérifier. Yeah. Puis vient la mort, on est d'accord, c'est mieux la paix. Un deux feuilles dans le caisson, je suis tout seul, non sans raison. Si je cogite avec moi-même, ce que moi-même j'ai mes raisons. Un, deux, trois tafs en guise de cash à base de méfus. C'est deux, trois phrases qui disent de toi que t'es là pour refus. Mandat d'arrêt, des règles de pute, des lois du business. Change de couplet, t'es rien qu'un pull, la grève du fitness. Le rap est mort, je m'en bats les couilles, je fais du hardcore. Ce genre de son qui flingue un monde et pas un corps. Si je fume des buzz et pèse élite, c'est moi le gangster. Politico crache sur le rap après une bonne guerre. Parle pas sur moi si je vends toi un fils de pute. C'est quoi un mot ou un couplet en face de telle chute? C'est vrai que mon phrase est peut-être brute et puis mon cœur de pierre. Que les insultes écrasent mes mots comme pour partir en guerre. Mais je peux être une fine plume comme un forêt de mime qui dont la fumée soigne ses mots d'une forêt de crime. Je peux chiffrer toutes mes thèses, braver les équations avec des nombres et hypothèses dans une relation. Ou bien orthographier mes proses dans la langue de Molière à la manière d'une pluie de roses qui m'embrasse pour le faire. Une hardcore réalité, one change. Et ça déborde de vérité, one change. Certains adorent le vérifier, one change. Puis vient la mort, on est d'accord, c'est mieux la paix. Okay. Une hardcore réalité, one change. Et ça déborde de vérité, one change. Certains adorent le vérifier, one change. Puis vient la mort, on est d'accord, c'est mieux la paix. Trop de frères se perdent, trop de verbes, trop de merde, trop de vers te cernent, trop de flemmes te ken, trop de camps, trop de cas, trop de proies te craignent, trop de rois te saignent, gros, trop de hardcore, réalité à réaliser, que virtuel n'est pas d'accord sans baliser. Hein, trop de meuges dans les veines, une peine de douleur, trop de seul dans la tête, c'est peine de couleur. Hein, en peine de cœur, de la conscience. Tire en plein cœur de la confiance. Y'a rien de pire que l'inconscient. Y'a rien de plus lâche dans la constance. Aider un sauce dans la demeure. Aider un gosse avec deux mères. Plaider la cause par le rendu. Plaider la chose dans le contenu. On est à nu que dans l'obligation. À poil n'est pas qu'une sextape dans la filiation. À croire le reste c'est une compilation. Hein. À croire ce texte c'est une complication. Une hardcore réalité. One change. Et ça déborde de vérité. One change. Certains adorent le vérifier. One change. Puis vient la mort, on est d'accord, c'est mieux la paix. Okay. Une hardcore réalité, one change. Et ça déborde de vérité, one change. Certains adorent le vérifier, one change. Puis vient la mort, on est d'accord, c'est mieux la paix.